Le message suivant du général français Christian Blanchon est un discours de remerciement aux non-vaccinés. Il y fait l'éloge de leur fermeté face à la vaccination Covid-19. La publication de son discours ne vise en aucun cas à alimenter une nouvelle division entre vaccinés et non-vaccinés. Ce discours vise à montrer à quel point il est difficile de rester serein et de ne pas agir à la hâte dans une période de guerre de l'information. Tout le monde s'est déjà retrouvé du mauvais côté de l'histoire. Comme c'est beau quand la haine, les moqueries et les reproches ne se déchargent pas une fois de plus sur les autres, mais quand la volonté de se tendre à nouveau la main fait école. Et bien sûr, cela doit aussi être un appel à s'approprier soi-même les qualités des résistants dans une situation prochaine et à faire en sorte que l'adage « l'homme n'apprend rien de l'histoire » devienne du passé. Voici le message du général Christian Blanchon en hommage aux non-vaccinés. Ils sont là, à vos côtés. Ils semblent normaux, mais ce sont des super-héros. Même si j'étais entièrement vacciné, j'admirerais les non-vaccinés pour avoir résisté à la plus grande pression que j'ai jamais vue. Y compris de la part des conjoints, de parents, d'enfants, d'amis, de collègues et de médecins. Les personnes qui ont été capables d'une telle personnalité, d'un tel courage, et d'une telle capacité critique incarne sans aucun doute le meilleur de l'humanité. On en retrouve partout, dans tous les âges, niveaux d'éducation, pays et opinions. Ils sont d'un genre particulier. Ce sont des soldats que toute armée de lumière souhaite avoir dans ses rangs. Ils sont les parents que tout enfant souhaite avoir, et les enfants que tout parent rêve d'avoir. Ce sont des êtres au-dessus de la moyenne de leur société. Ils sont l'essence des peuples qui ont construit toutes les cultures et conquis les horizons. Ils sont là, à vos côtés. Ils semblent normaux, mais ce sont des super-héros. Ils ont fait ce que les autres ne pouvaient pas faire. Ils ont été l'arbre qui a résisté à l'ouragan des insultes, de la discrimination et de l'exclusion sociale. Et ils l'ont fait parce qu'ils pensaient être seuls et croyaient être seuls. Exclus des tables de Noël de leur famille, ils n'ont jamais rien vu d'aussi cruel. Ils ont perdu leur emploi, ils ont laissé leur carrière sombrer, ils n'avaient plus d'argent, mais ils s'en fichaient. Ils ont subi d'incommensurables discriminations, dénonciations, trahisons et humiliations, mais ils ont continué. Jamais auparavant dans l'humanité, il n'y a eu un tel casting. Nous savons maintenant qui sont les résistants sur la planète Terre. Des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres de toute race et de toute religion, des non-vaccinés. Les élus de l'arche invisible, les seuls qui ont réussi à résister quand tout s'est effondré. C'est vous, vous avez passé un test inimaginable, que beaucoup de Marines, commandos, bérets verts, astronautes et génies les plus coriaces n'ont pu surmonter. Vous êtes fait de l'étoffe les plus grands qui aient jamais vécu. Ces héros nés parmi les hommes ordinaires qui brillent dans l'obscurité. Général Christian Blanchon, 8 septembre 2022.